J'entends encore ton rire chanter, un souffle sur un carillon d'été. Je sens encore tous ces baisers récoltés auprès de tes lèvres sucrées. Je promène mes souvenirs de toi, partout où mes pensées sont à moi. Quand je te rappelle à moi, c'est la joie. Tu es en moi et tu ne pars pas. Faudra quand même que je te dise, sans te raconter de bêtises, même si c'est audacieux, c'est bien là dans tes yeux que je le lis. Éblouissent encore tes yeux sur moi. Ils viennent puis s'égarent quelquefois. J'essaie de les ramener vers moi. Ils ne partent jamais très loin de là. Faudra quand même que je te dise, sans te raconter de bêtises. C'est audacieux, c'est bien là dans tes yeux que je le lis, que je me lis. J'entends encore ton rire chanter, un souffle sur un carillon. Je sens encore tous ces baisers récoltés, la douceur de tes mots, de ta voix lactée.